On sait que c'est un tueur à gages qui est passé à l'acte, mais on cherche les mobiles. Pourquoi le meurtre de Tiphaine Murmure a-t-il été commandité à votre avis?